وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Donc inshallah nous entamons le troisième cours concernant la biographie du grand savant le muhaddith al-shaykh Mohamed Nasiruddin al-Albani rahimahullah tiré de l'ouvrage de Sheikh al-Muhaddith al-Allama al-Doktour Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Donc nous nous sommes arrêtés sur le récit, l'histoire que le Sheikh a raconté, comment, quelle est la raison qui l'a poussé à lire et étudier et travailler les 10 000 manuscrits de la Maktaba al-Zahiriya, la bibliothèque ancienne de Damas, dans laquelle se trouvaient ces manuscrits riches dans les sciences religieuses. Il dit, Rahimahullah, وحين إذ يئست من الورقة ولكني نظرت فوجدت أن الله تبارك وتعالى قد فتح لي من ورائها بابا عظيما من العلم. Nous sommes arrêtés à ce passage. Donc derrière cette recherche de cette feuille ou cette page perdue, lorsque le Cheikh a compris qu'elle ne se trouvait pas dans cette maktaba, qu'il a désespéré de ne jamais la retrouver, mais il a regardé un autre angle et il a compris que par ce biais-là, Allah tabaraka wa ta'ala lui a ouvert une grande porte de science. Talama kuntu ghafilan anhu ka ghayri. Moi, comme combien d'autres personnes, nous étions insouciants. Nous ne savions même pas la richesse qu'il y avait dans cette maktaba. C'est-à-dire qu'on passe à côté, sans savoir la valeur. Wa huwa anna fil maktabati dhahiriya kunuzan min al-kutub. Et c'est qu'il y a dans cette librairie, dans cette bibliothèque, je veux dire, dans cette bibliothèque, des trésors de livres. والرسائل في مختلف العلوم النافعة التي خلفها لنا أجدادنا رحمهم الله تعالى. Et il y a dedans des écrits, des livres, dans différentes sciences, différents domaines et matières bénéfiques qui nous ont été laissés en héritage par nos ancêtres et nos prédécesseurs, qu'Allah leur fasse clémence. وفيها من النوادر من نوادر المخطوطات التي قد لا توجد في غيرها من المكتبات العالمية مما لم يطبع بعد. Et il s'y trouve dans cette bibliothèque des manuscrits rares qu'on ne retrouve dans aucune autre bibliothèque dans le monde et qui n'ont jamais été publiés et imprimés. فلما تبين لي ذلك واستحكم في قلبي استنفت دراسة مخطوطات المكتبة كلها من أولها إلى آخرها. Lorsque j'ai bien pris conscience de cela, que cela a bien été clair pour moi et que cette envie de travailler ces manuscrits a bien pris le dessus sur moi, sur mon cœur, alors j'ai pris la ferme décision de faire l'étude de tous ces manuscrits du premier jusqu'au dernier. On a vu qu'il les a lus. Il s'est arrêté de temps à autre sur certains passages, certains livres. Mais là, il va recommencer à zéro. Les 10 000 manuscrits, du premier jusqu'au dernier, mais là, ça va être une lecture bien plus précise, bien plus concentrée, avec plus de méditation. L'ilmarrati thaniya. Donc, c'est une lecture pour la deuxième fois. Ala dawi tajribati as-sabiqa. التي سجلت فيها ما انتقيت فقط من الكتب. En prenant leçon sur mon expérience précédente dans les notes que j'ai pu prendre sur certains de ces ouvrages. Mais là, il va le faire pour tous les ouvrages. فأخذت أسجل الآن كل ما يتعلق بعلم الحديث منها مما يفيدني في تخصصي. Et je me suis mis à enregistrer tout ce qui concernait les sciences du hadith et le thème du hadith qui me sera bénéfique et qui concerne ma spécialité. La atruku sharidatan wa la waridatan illa sajjaltuha. Je n'ai rien laissé échapper. Tout ce qu'il y avait qui était en relation avec la science du hadith, j'en prenais note. Tout ce qu'on pouvait trouver dans tous ces manuscrits. حتى ولو كانت ورقة واحدة. Même si ça concernait qu'une seule feuille qui était mise de côté, j'allais aussi la vérifier. من كتاب أو جزء مجهول الهوية. C'est-à-dire une page ou une partie d'un livre, hein, ou un volume d'un livre dont on ne connaissait pas ni l'auteur ni même des fois le titre. Hein? Parfois on a un livre entier, mais on ne connaît pas l'auteur. Et parfois, on a une partie du livre, il manque le début dans lequel il y a le titre. Et ça, c'est un très grand travail que les savants font pour pouvoir publier le livre et le présenter au public avec le titre et l'auteur. Parfois, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas l'auteur, c'est de peur que les livres soient détruits. Parce qu'on faisait la chasse aux ouvrages de tel auteur. Par exemple, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, on faisait la chasse à ses livres pour ne pas tomber dans les mains des étudiants, car ils sont forts en argumentation. Et donc, les étudiants et les mashayikh qui retranscrivaient les livres d'Ibn Taymiyyah, volontairement, ils ne mettaient pas le nom de l'auteur. Volontairement, de leur part, pour pas qu'on touche au livre. Et subhanallah, c'est la même chose avec Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Aujourd'hui, en règle générale, mashallah, ces livres sont partout. L'Arabie Saoudite a fait un grand effort de les publier, de les donner gratuitement. Mais avec ça, sachez que c'est des ouvrages qui ont été combattus. Pourquoi ? Parce que les innovateurs ne voulaient pas du contenu. Parce que ça remettait en cause leurs idéologies et leurs tendances. Et surtout les soufis. Et ils ont inventé un nom. Ils ont dit al-Wahhabiyya pour faire peur au public et aux gens. Qu'est-ce que c'est que ça, al-Wahhabiyya ? Ça, c'est une secte. Ce sont des khawarij. Ce sont des égarés. Ils tuent les gens. Ils brûlent les gens. Ils leur rasent la tête. Ils piétinent le Coran. Ils piétinent Sahih al-Bukhari. Que des mensonges. Parmi ceux qui continuent à propager ce genre de paroles, les Ahbash. Les Ahbash qui sont, en résumé, des Asha'ira dans la Aqida. Ils prétendent suivre l'Ash'ariya dans la Aqida. C'est une secte égarée dans le domaine du dogme. Et qu'ils disent qu'ils suivent des écoles juridiques, hein, al-Madhhab, dans le Fiqh. Et dans l'éducation spirituelle, ils sont soufis. Ils suivent les sectes soufis. Leur fondateur, et c'est pour cela qu'il s'appelle l'Ahbash, ça vient de l'Habasha. Al-Habasha, en arabe, c'est l'Abyssinie. L'Empire abyssin, c'est ce qui est le pays, c'est l'Éthiopie aujourd'hui. Hein, l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée, toute cette région, elle se nommait auparavant l'Abyssinie. En arabe, Al-Habasha. D'accord ? C'est la terre d'origine du grand savant, de l'imam Mohamed Aman el-Jami. Rahimahullah, c'est un Éthiopien. Mohamed Aman el-Jami, rahimahullah, il est d'Éthiopie, il est parti en Arabie, il est devenu saoudien. Et c'était un des plus grands savants d'Arabie. Rahimahullah ta'ala, mais c'était un Africain, un Abyssin. Et il a même un livre sur l'expansion et la propagation de l'islam en Afrique. Et il explique l'historique de l'islam en Afrique. Et il précise dedans que la région dans laquelle vivait le Négus, Al-Najashi, le Négus en français, c'était le gouverneur, l'empereur de l'Abyssinie. Et vous savez qu'à l'époque du prophète sallam, le prophète sallam l'a vanté en disant aux sahaba qui étaient persécutés à la Mecque, hein, au début de l'islam, en leur disant « Allez émigrer vers l'Abyssinie, il s'y trouve un roi, hein, qui fait preuve de justice, qui n'accepte aucune injustice. Personne ne sera lésé auprès de lui. » Et il y a eu cette première émigration. Et Cheikh Mohamed Aman el-Jami, rahimahullah, il dit « L'islam est entré en Abyssinie, dans le continent africain, avant Médine. » Avant Médine, l'islam est entré en Abyssinie. Puis, il y aura une deuxième immigration vers l'Abyssinie. Avant la grande immigration des croyants et des compagnons avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers la ville de Médine. Et il précise, Cheikh Mohamed Aman, rahimahullahu ta'ala, que l'endroit où il y avait sa capitale, au Négus, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui l'Érythrée. Maintenant, c'est indépendant. C'était une des régions de l'Éthiopie. Et depuis quelques années maintenant, et c'est majoritaire musulman, c'est une région qui est maintenant indépendante, qui s'appelle l'Érythrée. Et ça faisait partie auparavant de l'Abyssinie. Et de la même région que Mohamed Aman el-Jami, qui était un imam de la Guidée, et un savant salafi reconnu dans la Sunna, est sorti un homme égaré, égareur. Un imam de l'égarement, qui s'appelle Abdullah al-Harari. Abdullah al-Harari al-Habashi. Et qui a voulu transmettre sa fitna, son trouble, ses discordes, ses polémiques en Arabie. Il n'a pas pu. Il est parti en Syrie. Il a essayé. Il est même venu avec des personnes qui l'ont accompagné dans un cours de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, à l'époque. Il était encore à Damas. Et quand Cheikh il les a vus, il a compris qu'il cherchait la polémique. Il ne le connaissait pas. Ils l'ont ramené pour qu'il discute avec Cheikh Al-Albani. Et il a demandé à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, je veux... Je veux discuter avec toi sur certaines questions religieuses après la prière du vendredi. Je veux débattre avec toi après la prière du vendredi, là où il y a de la foule, dans la mosquée des Omeyyades. Ça, c'est un piège. Mosquée des Omeyyades, hein, c'est l'islam soufi qui est dominant. Les gens qui viennent en général, ils sont éduqués selon le soufisme. Donc c'est parti pris, et c'est fait exprès qu'il a choisi cet endroit et le moment après la prière du vendredi. Cheikh lui a dit non, c'est toi qui veux débattre. Tu veux débattre, on débat maintenant. Maintenant. Il lui a dit d'accord. Abdullah Harid a dit d'accord. Cheikh Al-Albani lui a dit mais avant, il y a une condition. On va prendre des papiers et chacun, la réponse, il l'écrit. Il lui a dit pourquoi ? Comme ça, personne ne dira j'ai dit, je n'ai pas dit. C'est un problème, ça. Non, je ne l'ai pas dit. Non, tu m'as mal entendu. Et ainsi de suite. Et s'il y a ses amis autour de lui, ils veulent défendre leur maître, ils vont lui donner raison. Même si au fond, ils savent qu'il l'a dit. Ça, c'est le sectarisme qui est très dangereux. Qu'Allah nous en préserve. et qui empêche la personne d'être objective et d'être juste et droite. Et donc ils ont commencé comme ça. Les questions se posaient et les réponses. Et Abdullah al-Habashi en a eu marre de cette façon. Pour lui, elle était trop lourde. Il a arrêté la discussion. Il a vu que son prêche ne portait pas ses fruits à Damas. Et il est parti au Liban. Au Liban, où il y a toutes les tendances, toutes les sectes sont là-bas. Ils sont même fortement présents. Il y a près de 40% ou 50% de chrétiens. En plus, ils ont un système spécial laissé par la France, le Liban. Le président de la République est un maronite, un chrétien. Le premier ministre, il est pris de la partie sunnite, comme ils le disent. Et le président du Parlement, c'est un chiite. Et ça, c'est une règle qui a été laissée jusqu'à maintenant dans leur pays. Et il y avait la guerre civile. Les années 70, c'était les années 80, très difficiles pour ceux qui en ont un souvenir, le Liban. Mais maintenant, c'est difficile, mais à l'époque, encore pire. Une guerre totale. Et pendant les guerres totales, les guerres civiles, c'est le moment le plus facile pour une personne de propager ce qu'il veut. Et donc, il s'est installé là-bas et il a fondé son mouvement qui était connu, Al-Ahbash. Et ils ont fait une association de bienfaisance, hein, derrière laquelle ils propageaient leurs idéologies et ils avaient un très très grand financement. Ils avaient un budget, et parfois il est dit, qui égalait un État. On se demandait même d'où ils ont tous ces moyens financiers. Et ils se sont propagés en Australie, en Afrique. Ils ont essayé en Afrique et surtout en Occident. En Occident et en France, hein, il y en a. Dans certaines villes, ils sont implantés. Ils étaient connus pour être des gens violents dans la parole et dans les actes. Puis, lorsqu'ils ont vu que ça leur apportait préjudice, car en général, les gens n'acceptent pas cette façon de prêcher, ils se sont un peu calmés, mais ils ont continué leur prêche. Et ils sont connus pour venir à la sortie des centres commerciaux et des marchés pour vendre leur calendrier, par le biais duquel ils font leur prêche et leur da'wah. Ça, c'était pour parler des Ahbash, qui sont une secte égareurs, très loin de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, même si eux, ils se font appeler le sunnati wal jama'a mensongèrement. Taïeb. Et j'ai précisé qu'ils étaient à Sha'arif al-Aqida, bien qu'elle est vraiment beaucoup répandue dans le monde musulman. Et ça, c'est étonnant chez les gens qui disent suivre des madhhab. Ils disent, nous, on respecte, on a du respect envers les grands imams. Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre leurs écoles. Ça consiste en quoi? C'est-à-dire que dans les adorations et dans le domaine relationnel, les transactions, on suit les rites et les opinions de ces imams et des opinions qui se trouvent dans leurs écoles. Taïb. Et la aqida, la croyance, le dogme qui est bien plus important, qui est la base, eh bien là, non. Il n'y a plus d'imam Malik, il n'y a plus d'imam Abu Hanifa, il n'y a plus d'imam Shafi'i, il n'y a plus d'imam Ahmed Mahanbel. Non. Pour la aqida, on va aller voir autre part. Alors, comment ça? Eh bien, on va dans un autre endroit. Il y a une personne qui s'appelle Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et donc on prend sa aqida. Il y en a un qui s'appelle Al-Maturidi et on prend sa aqida. D'accord. Donc ces quatre imams qui sont bien plus anciens et que vous parlez de, vous faites leurs éloges, vous les vantez, mais vous ne voulez pas de leur aqida. Ils ne sont pas des maîtres pour vous dans la aqida. Vous allez chercher autre part. Taïe, un problème. Donc, quand toi tu viens avec la sunna, ils disent non. Toi, tu nous ramènes quelque chose étranger à notre pays. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était où? Alhamdulillah, on est tous d'accord. Il ne manquerait plus qu'on ne soit pas d'accord là-dessus. Alhamdulillah, personne n'a dit que le prophète était dans tel pays ou tel pays. Tout le monde est d'accord. pour dire qu'il est né à la Mecque et il est mort à Médine et il est enterré à Médine. Sur ça, tout le monde est d'accord. Hein? Et que c'est un arabe de l'Arabie. Donc l'islam qu'on a, il nous vient d'où? Il nous vient d'Arabie. Il ne manquera plus que quelqu'un va remettre ça en cause aussi. Subhanallah. Ça, c'est ça. Les ennemis de l'islam, ils cherchent tout moyen de pouvoir combattre. Le Maghreb, en Afrique, en général, les gens sont musulmans. Après, en tant qu'humains, ils ont des origines. C'est pour s'entreconnaître. Cette différence, c'est pour s'entreconnaître. Mais telle origine n'a pas plus de valeur que telle origine. Telle couleur de peau n'a pas plus de valeur que telle couleur de peau. Qu'est-ce que tu as fait pour être blanc? Tu as fait quoi pour être noir? Tu as fait quoi pour parler l'arabe? Tu as fait quoi pour parler berbère? Tu n'as rien fait. C'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui a fait que tu es dans telle famille et que tu as pris telle langue. C'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui a fait que tu as telle couleur de peau. Sur ça, tu n'es pas jugé. Tu n'as rien fait pour ça. Subhanallah. Mais Allah, il te juge pour ce qu'il y a dans ton cœur et tes agissements, les actes que tu accomplis. C'est pour cela que le fou n'est pas responsable. Et ses actes ne sont pas pris en compte. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est fou, il n'a pas la raison. Et quand tu as la raison, là tu es responsable. C'est sur ta responsabilité. Subhanallah. Donc, hein, lorsque les gens tombent dans ce piège, et les koufars viennent les aider dans nos pays des fois, hein, il y a ceux qui disent, nous on est des arabes. Allahu alam si tu es arabe ou pas. Il y a Karabbe qui sait. Subhanahu wa ta'ala. On dit des choses, après on ne sait pas. Ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. Hein, des fois on aime bien se faire... On veut croire en quelque chose, mais Allahu alam. Hein, taïm. Et l'autre c'est à côté, ah non, lui c'est un berbère. Et ils croient qu'il y a un problème là-dessus. Subhanallah. Il n'y a pas de problème. C'est quoi qui nous réunit? C'est l'islam. Alhamdulillah. Et la langue arabe. C'est la langue arabe, c'est la langue de tout le monde. On est des musulmans, on a l'arabe. Après, il n'y a pas de problème de parler son dialecte, de parler son langage, il n'y a pas de problème. Mais la langue arabe, elle a toute sa place. Subhanallah. L'islam n'est pas venu se propager et a demandé aux gens, vous quittez votre langage. Ça n'existe pas. Subhanallah. C'est pour cela que les peuples, en terre d'islam, ont toujours gardé, hein, leurs coutumes et leur langage. Les coutumes, tant que les coutumes ne vont pas à l'encontre de l'islam, les coutumes, elles restent. Personne n'est venu imposer sa coutume par rapport à la coutume de quelqu'un d'autre. Les peuples musulmans, vous voyez bien, ils sont musulmans depuis 1000 ans, plus de 1000 ans, et chaque peuple, il a sa coutume. Les coutumes en elles-mêmes ne sont pas remises en cause. Ce qui remet en cause, ce sont les coutumes contraires à l'islam, aux lois de l'islam. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, la coutume, on l'enlève parce qu'elle contredit un texte ou une règle de l'islam. Mais si la coutume ne contredit pas l'islam, mais soi-disant parce qu'elle ne te plaît pas à toi, eh ben, c'est ton problème, elle ne te plaît pas à toi. C'est pas ton goût et ta couleur. Tu ne peux pas l'imposer à quelqu'un d'autre, subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jamais il n'a critiqué une nourriture. Soit il l'aimait, il l'a mangé, il ne l'aimait pas, il ne la mangeait pas. Mais il laissait les autres manger. Subhanallah. Ça, c'est important à se le rappeler. Donc, dans un même pays, l'Algérie, par exemple, c'est quoi ce problème? Mais non, mais c'est vrai, c'est quoi ce problème? Subhanallah. Ça, c'est des problèmes inventés. Ça fait partie de la jahiliya, que le musulman se doit de s'en éloigner. Et on se doit tous d'être fiers qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a guidés vers l'islam. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a guidés vers la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Tayyib. Puis il dit, rahimahullah, وكأن الله تبارك وتعالى كان يعدني بذلك كله للمرحلة الثالثة والأخيرة. Et c'est comme si Allah me préparait pour une troisième étape qui sera plus approfondie que la seconde. وهي دراسة هذه الكتب دراسة دقيقة واستخراج ما فيها من الحديث النبوي مع أسانيده وطرقه وغير ذلك من الفوائد. Lorsque j'aurai terminé cette deuxième relecture des 10 000 manuscrits, je vais recommencer une troisième fois. Une relecture encore bien plus approfondie que la deuxième. Et je m'arrêterai à chaque hadith. Je prendrai une feuille spécialement pour chaque hadith. Une feuille pour un hadith. Et je noterai tous ceux qui ont rapporté ce hadith. Où est-ce que ce hadith se trouve? Et qu'est-ce qu'il est dit sur les narrateurs qui se trouvent dans la chaîne de narration? Et tout aussi les leçons à tirer de ces hadiths. À chaque fois qu'il y avait des leçons, il va les noter. فَإِنِّي كُنْتُ فِي أَثْنَاءِ الْمَرْحَلَةِ الثَّانِيَةِ أَلْتَقِطُ نَتْفًا مِنْ هَذِهِ الْفَوَائِدِ التي أعثر عليها عفويا فما كدت أنتهي منها حتى تشبعت بضرورة دراستها كتابا كتابا. Car les leçons à tirer, je les prenais par-ci par-là, sans trop m'attarder là-dessus. Mais ça m'a poussé à recommencer la troisième fois chaque livre, chaque hadith, et mettre toutes les leçons qui sont à tirer des hadiths. وجزءاً جزءاً بارتي بارتي. ولذلك فقد شمرت عن ساعد الجد واستأنفت الدراسة للمرة الثالثة. Et c'est ce qui m'a poussé à retrousser mes manches et à reprendre l'étude de tous ces livres pour une troisième fois. لا أدع صحيفة إلا تصفحتها. En oubliant et en ne délaissant aucune page sans passer par-dessus. Wala waraqatan sharidatan illa qara'tuha. Et même une feuille perdue par-ci par-là sans la lire. Wastakhraju minha ma a'thuru 'alayhi min fa'idatin 'ilmiyyah. Et à chaque fois qu'il y avait une leçon bénéfique à retenir là-dessus, je la prenais en compte. Wa hadith nabawi sharif, et tout hadith nabawi. Fatajamma'a 'indi biha nahw 40 mujalladan. Ça, c'est de sa propre main. Tout ce qu'il a écrit de sa propre main, il s'est retrouvé avec 40 volumes. Fi kulli mujalladin nahwi 400 waraqa. Dans chaque volume, il y a 400 feuilles, ce qui veut dire 800 pages. Fi kulli waraqatin hadithun wahid. Dans chaque feuille, il n'y a qu'un seul hadith. Et tout ce qui va autour de ce hadith. Ma'zouwan ila jami'i al-masadir allati wajadtuhu fiha ma'a asanidihi wa turqihi. Et donc chaque hadith dedans, il est cité tout recueil dans lequel on le retrouve, qui est rapporté dedans avec toutes les chaînes de narration en détail. Vous comprenez un peu mieux? Vous connaissez la suite? Tout ça, ça va amener quoi? Silsilatul ahadith al-sahiha. Silsilatul ahadith al-da'ifa. Subhanallah. Ça va être ça, ça va être le fruit de ça. Et regardez de quoi c'est parti. Subhanallah. Et lorsqu'il va travailler, recorriger un livre, eh bien, ce travail qu'il a fait va lui faciliter à chaque fois tel hadith qu'il a rapporté de retourner à ce qu'il a fait comme travail. Ça, c'est un travail, il ne l'a pris à personne. Des voleurs, il y en a. Des grands voleurs. Et il y en a, ils savent voler, il y en a, ils ne savent pas voler. Il y en a, ils volent et en même temps, ils changent un peu les mots. Pour pas qu'on dise, ah non, mais ça, c'est la même chose là-bas. Et il y en a, ils répètent la même chose, mot à mot. Quelqu'un qui regarde, il dit, mais subhanallah, c'est la même chose qu'il y a dans tout l'autre livre. Celui-là, il ne sait pas voler. Et l'autre, il essaie de changer. Mais les ulama, ils trouvent. Ils savent, le véritable étudiant, le véritable chercheur du faux, qui fait ça que pour de l'argent, un vil prix de ce bas monde. Wal'iyadu billah. ورتبت الأحاديث فيها على حروف المعجم. Et j'ai rangé les hadiths selon l'ordre alphabétique. Al-mu'jam, حروف المعجم, les lettres du dictionnaire. Al-mu'jam, c'est le dictionnaire. C'est-à-dire par ordre alphabétique. ومن هذه المجلدات أغذي كل مؤلفاتي ومشاريعي العلمية. Voilà. Et de là, je pouvais, cela était une grande aide pour moi, pour le travail que je faisais dans les livres, pour publier des livres, pour dire où est-ce qu'on retrouve les hadiths et ainsi de suite. الأمر الذي يساعدني على التحقيق العلمي الذي لا يتيسر لأكثر أهل العلم. C'est ce qui m'a aidé, m'a permis de pouvoir bien travailler les ouvrages, ceux dont beaucoup n'avaient pas. C'était dur pour beaucoup. Même des mashayikh, lorsqu'ils voulaient faire une recherche, ça prenait beaucoup de temps de retrouver. Il ne faut pas croire, aujourd'hui, il y a un grand, énorme travail qui a été fait, maintenant avec le moyen numérique, hein, donc c'est une facilité de retrouver un hadith, et ainsi de suite. Mais ça, c'est le fruit d'un énorme travail qui était fait auparavant, et avant, ils ne l'avaient pas. Comment ils faisaient les gens pour retrouver un hadith? Subhanallah. Il y a des orientalistes. Les orientalistes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les islamologues. D'accord? À l'ancienne, on les appelait les orientalistes. C'était des koufars, des occidentaux, qui se spécialisaient dans les sciences islamiques, dans la langue arabe. D'accord? Et en même temps, ça travaillait avec le colonialisme. C'était pour mieux connaître la culture et la science qu'ont ces gens, et aussi pour leur mettre des doutes. Comme ils savent que la majorité des gens n'ont pas ces connaissances-là, donc ils leur disent, par exemple, vous saviez que dans votre religion, il y a un hadith qui dit, un hadith que les gens ont du mal à comprendre ou assimiler avec leur petit raisonnement. Ils n'ont pas de réponse à donner, et ils leur mettent le doute. Ça leur suffit, ils mettent le doute, ils s'en vont. Ils savent que ces gens-là ne comprennent pas, subhanallah. Et des fois même les musulmans, ils en arrivent à dire quoi? Parmi eux des gens, ils disent, subhanallah, lui il connaît, hein. Il connaît parce que tu ne connais pas. Subhanallah, c'est seulement ça en vérité. C'est parce que toi tu as délaissé l'apprentissage de ta religion. C'est ce qui t'a poussé à dire il connaît. Mais les savants, ils détectent ce qui ne va pas chez eux. Et parmi ces gens-là, il y en a qui se sont convertis à l'islam. Même s'ils ont voulu combattre l'islam, eh ben, en faisant des recherches, en étudiant, au final, il y en a, l'islam est entré dans leur cœur. Et Allah les a guidés à l'islam. Regardez un grand savant égyptien, min al-ulama, Muhammad Khalil, al-Sheikh al-Allama Muhammad Khalil al-Harras, rahimahullahu ta'ala. Lui, c'est un Azhari. Et il devait faire sa thèse. Et on lui a demandé, fais une thèse sur Ibn Taymiyyah. Discute Ibn Taymiyyah. Et il prend des ouvrages d'Ibn Taymiyyah. Et il commence à regarder. Et il fait sa thèse, Ibn Taymiyyah al-Salafi. Et ça devient un des grands ulémas de la sunna, cet homme. Connu. Plus tard, il sera aussi professeur en arabie. Ma cher Mohamed Khalil al-Harras, rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Et les orientalistes, il y en avait qui étaient très forts dans leur domaine, et surtout dans l'indexer les livres, faire un index pour faciliter la recherche. Pour se faciliter leur travail, ils ont fait une grande recherche dans les hadiths, et ils les ont rangés par ordre alphabétique. Ils ne mettaient que le début du hadith. Où est-ce qu'on le retrouve? Dans les 6 livres de hadith. Et c'était en 5-6 grands volumes. Le Mu'jam al-Mufahras, les Al-Fath al-Hadith al-Nabawi. 5 volumes. À peu près en 5 volumes. 5 volumes que eux ils ont fait. D'accord? Qu'aujourd'hui, on n'en entend presque plus parler, mais ça a servi aux savants de l'islam. Donc ils ont fait un travail pour une raison, et au final, ça a servi aux savants de l'islam. Beaucoup se servaient de cet index qui est de faciliter les recherches des hadiths. Tayyib. لا سيما في هذا الزمان الذي قنعوا فيه بالرجوع إلى بعض المختصرات في علم الحديث وغيره من المطبوعات. C'était difficile pour beaucoup, surtout à notre époque, à une époque où la volonté n'est plus vraiment là chez beaucoup de gens, et ils se contentent d'aller regarder dans des livres concis, résumés. Hein? Ils n'ont pas le temps et le courage d'aller chercher dans les grands ouvrages, dans les énormes ouvrages en plusieurs volumes, ou dans quelques ouvrages qui sont publiés. فهذه الثروة الحديثية الضخمة التي توفرت عندي ما كنت ليحصل عليها لو لم ييسر الله لي هذه الدراسة بحثا عن الورقة الضائعة. Et ce que j'ai amassé comme énorme trésor dans le domaine du hadith, jamais je n'aurais pu l'acquérir si Allah ne me l'avait pas facilité en recherchant cette feuille perdue. Tout ça revient à cette recherche de la feuille perdue. Falhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Louange à Allah, dit, lequel par ses bienfaits, le bien se complète, ou les bonnes choses se terminent. Wa inna min thamaratiha al-mubarakah annani iktashaftu fi athna'iha ba'd al-mu'allafat wal-ajza' wal-kararis al-qayyimah التي لم يكن من المعلوم سابقا وجودها في المكتبة أصلا. Et de même, parmi les bienfaits de cette recherche, c'est que j'ai découvert des livres, des épîtres, des passages de livres qu'on ne savait même pas qu'ils existaient, qu'on ne connaissait même pas leur présence dans la maktaba. أو كاملة لذهاب الورقة الأولى وغيرها منها التي يمكن عادة يمكن بها التي بها يمكن عادة الكشف عن هوية المؤلف والمؤلف. Ou alors c'était un livre complet, mais il n'y avait pas la première page ou une autre page qui nous permettait de connaître le nom du livre ou le nom de l'auteur du livre. أو لإهمال الناسخ كتب ذلك على نسخته من الكتاب. Ou alors celui qui l'a retranscrit a oublié de nommer le titre ou l'auteur de ce livre. أو غير ذلك من الأسباب التي يعرفها أهل الاختصاص في دراسة المخطوطات. Ou d'autres raisons qui ont amené à ce résultat qui sont connues chez les spécialistes, parmi ceux qui étudient les manuscrits. Parce que dans l'étude des manuscrits, il y a des personnes connues pour cette spécialité. ولذلك خفيت على بروكلمان وغيره من المفهرسين. بروكلمان, c'est un des orientalistes connus, hein, des orientalistes. On en arabe on dit mustashriqin et on dit mustashriq. D'accord? Un des orientalistes qui était connu pour avoir fait des index. D'accord, pour faciliter les recherches, et lui-même, d'accord, lorsqu'il a fait des index, il a lui ont échappé des ouvrages, il n'en a pas eu connaissance. فلم يرد لها ذكر في فهارسهم إطلاقا. Dans tout le travail d'index qu'ils ont fait, hein, il n'est cité nulle part dans leurs ouvrages ces livres-là. ولا بأس من أن أذكر هنا بعض المهمات منها مما يحضرني الآن. Et il n'y a pas de mal que je cite certains écrits, livres qui n'ont pas été cités par ces personnes. Ils n'en avaient pas connaissance, ils ne les ont pas découverts. المستخرج على الصحيحين للحافظ سليمان ابن إبراهيم الأصبهاني المننجي مجمع البحرين في زوائد المعجمين للحافظ نور الدين الهيثمي الحفاظ لأبي الفرج ابن الجوزي الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية إثبات صفة العلو لله تعالى لابن قدامة المقدسي c'est-à-dire qu'il est originaire de بيت المقدس. بيت المقدس c'est un autre nom de la ville de Al-Quds, Jérusalem. En arabe, on l'appelle Al-Quds, on l'appelle Baytul Maqdis. Il y a un habitant, un originaire de cette ville, on l'appelle Maqdisi. Et Ibn Qudam al-Maqdisi était un grand imam, un grand savant, qui vécut au 6e siècle de l'Égypte. C'est une grande famille de savants. hein, connu dans le rite Hanbali et dans le domaine du hadith, et qui ont quitté Beit al-Maqdis lors des croisades, à cause des croisades, lorsque les Européens chrétiens ont attaqué et ont dominé la Palestine. Et ils sont restés là-dedans plus de 100 ans. Ils ne seront chassés que lorsque viendra l'époque de Salah ad-Din al-Ayyubi, Saladin. Salah ad-Din al-Ayyubi, qui était un Syrien kurde. Un kurde de la Syrie, de Sham, et qui sera qui est le sultan de Syrie et d'Égypte. Rahimahullah ta'ala. Et c'est lui qui, à la tête de son armée, mettra un terme aux croisades et sortira les croisés de la terre de la Palestine. Il y a de cela près de 900 ans. Rahimahullah. Et il fera aussi un autre bien, c'est qu'il mettra un terme à la dynastie des Ubaydiyyin en Égypte. Al-Ubaydiyyun, c'est la dynastie qui se faisait appeler Al-Fatimiyyun, mensongèrement, pour faire croire qu'ils descendent de Fatima, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, radiyallahu anha. Ils se faisaient appeler, en français, on les appelle les Fatimides. La dynastie des Fatimides. Mais c'est faux, hein. Leur vrai nom, c'est Dawl al-Ubaydiyya. Ils avaient apparu au début au Maghreb, hein, dans certaines régions qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie. Puis après, ils sont partis en Égypte et ils ont dominé l'Égypte pendant près de 3 ou 4 siècles. Allahu musta'an. Ce sont eux qui ont fondé la ville du Caire, Al-Qahira. Et c'est eux qui ont fondé l'université de l'Azhar. Et c'est eux qui sont à l'origine de la fondation de l'université de l'Azhar, de Jami' al-Azhar. Car Jami' al-Azhar, il a été fondé dans l'ère chrétienne en l'an 900, je crois 972. On est en 1436. Non, excusez-moi. 972 de l'ère chrétienne. On est en 2015. Ça fait plus de 1000 ans que le Jami' al-Azhar il a été fondé. Naam. Et ce sont eux les premiers qui ont inventé la célébration de la naissance du prophète. Ça n'existait pas. Jamais les musulmans n'ont connu cette innovation. Les sahaba ne connaissaient pas, les tabi'in ne connaissaient pas, les atba' tabi'in ne connaissaient pas, les quatre imams, Abu Hanifa, il ne connaît pas c'est quoi le maulid. Malik, il ne connaît pas le maulid. Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, ils ne connaissent pas. Ils n'en ont jamais entendu parler. Ça n'existe pas dans leurs ouvrages. Pendant 400 ans, 400 ans, les musulmans ne connaissent pas Al-Mawlid. Viennent cette dynastie qui sont des ennemis de l'islam, qui combattent l'islam par le bas et font croire qu'ils défendent l'islam. Wal-iyadhu billah. Ils ont sorti les gens des mosquées pour les envoyer dans des lieux de bid'a, d'innovation, les zawaya. Hein? D'accord? Les gens, leur lieu d'adoration, de prière, c'était la mosquée. Ils n'ont pas d'autre endroit. Soit tu es chez toi, tu adores Allah chez toi, ou alors tu adores Allah dans la mosquée. Il n'y a pas d'autre endroit. Eux, ils ont inventé des endroits qui ne sont pas des mosquées, où ils se réunissent, soi-disant, pour adorer Allah comme Allah ne l'a pas légiféré. Des innovations qu'ils ont inventées. Wal-iyadhu billah. Donc, Salah ad-Din al-Ayyub, rahimahullah, c'est lui qui mettra un terme à leur état. Et donc, cette famille de Al-Maqadisa, qui est le pluriel de Maqdisi, vont émigrer, quitter la Palestine pour aller à Damas. Et ils habiteront pas loin du centre-ville de Damas, dans la montagne qui s'appelle Jabal Qasyoun. Jabal Qasyoun, c'est une montagne connue, d'accord, et qui a des habitations tout le long de la montagne. Et donc, il y a même une très grande mosquée qui s'appelle Masjidul Hanabila, la mosquée des Hanbalites. C'était leur mosquée et l'endroit où ils étaient à leur époque. Et il y en a un aujourd'hui qui se fait appeler al-Maqdisi. Un ennemi de la sunna, un ennemi de la salafie, un khariji, un takfiri. Il se fait appeler le monothéiste, al-Muwahhid. Il a des suiveurs, même en France. Wal-iyadu billah. Hein, il appelle, et c'est une des références chez ces extrémistes et ces takfiris, et il les pousse à faire des attentats, wal-iyadu billah. Il s'appelle Abu Mohammed al-Maqdisi. Vous avez déjà entendu son nom ? Abu Mohammed al-Maqdisi, il est en Jordanie. Wal-iyadu billah. Mais je ne sais pas ce terme al-Maqdisi d'où lui vient. Est-ce qu'il est originaire de la Palestine ou pas ? Allahu a'lam. Bien qu'en règle générale, les Jordaniens, il est dit qu'à plus de 60%, c'est des Palestiniens d'origine. Allahu a'lam. Ou peut-être le nom il attire. Allahu a'lam. Mais lui, c'est un ennemi de la sunna. Il n'en est pas le seul. Tuhfat al-Muhtaj ila adillat al-Minhaj l'Ibn al-Mulaqqin السنن الكبرى للنسائي فضائل مكة للجندي وأما الأجزاء والكراريس التي اكتشفتها وبعضها مما أتممت به بعض الكتب التي كانت ناقصة أو مجهولة الهوية فشيء كثير والحمد لله. Et concernant des passages ou des livrets, des épîtres que j'ai découvert, et certains, j'ai pu savoir, c'était le complément de quel livre. J'ai pu avec compléter d'autres ouvrages qui avaient des manquements. Et ou d'autres dont on ne connaissait pas ni le titre, ni l'auteur. Ils étaient inconnus. Alors là, il y en a un grand nombre. Louange à Allah. Wa ilayka ba'duha ala sabil al-mithal. Et je vais vous donner quelques exemples de ces ouvrages. أحكام النساء لابن الجوزي الضعفاء للذهبي مسند الشهاب للقضاعي الصلاة لعبد الغني المقدسي هذا من فاميلي ابن قدامة تاريخ أصبهان لابن مندة الكلام على ختان النبي صلى الله عليه وسلم لابن العديم جزء نعل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي اليمن ابن عساكر المغازي لابن إسحاق صحيح ابن حبان شيخ ربيع حفظه الله nous avait dit je vais vous montrer deux exemples de cette force et cette volonté qu'avait le Cheikh Al-Albani رحمه الله. Ça c'était un exemple avec cette histoire de cette feuille perdue. Le second, ittiba'uhu lis-sunnah. Son suivi, son attachement à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana al-shaykh Nasir rahimahullah, c'est Cheikh Al-Albani rahimahullah, hein, beaucoup l'appellent Cheikh Nasir. Parce qu'il s'appelle Mohammed Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Et véritablement, c'est un Nasir lid-din. Il a secouru la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il portait bien son nom. أحد كبار العلماء العاملين بعلمهم. C'était un des grands savants qui pratiquaient leur science. Connu pour pratiquer ce qu'ils savaient. عليه رحمة الله. لم نرى مثله في اتباعه للسنة. On n'a pas vu d'exemple comme lui dans le suivi de la sunna. Et Cheikh Rabi, il met en annotation إلا مثل العلامة المحدث Ibn Baz, rahimahullah, fama kana ahrasuhu ala tiba' al-sunnah. Sauf un autre exemple, comme l'Albani, le grand savant, le muhaddith, le shaykh, le mufti, Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qu'il était fort son attachement à la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam. Fahuwa ahadul mujaddidina bihaq. C'est un des réformateurs en vérité, en toute vérité. Vers 1995-1996 à peu près, j'étais au salon du Bourget. Vous connaissez le salon du Bourget ? C'est juste à côté de chez moi, là où j'habite à Drancy. J'ai grandi à Drancy, il est pas loin de la ville de Drancy, elle connaît la ville du Bourget. Donc le salon du Bourget, il est pas loin. Je peux même y aller à pied. C'est une petite marche, mais je peux y aller à pied. Et à l'époque, ils avaient fait venir un des grands Ikhwan, mais qui a étudié à Riyad. Et il a étudié dans le domaine du hadith. Subhanallah. Mais c'est pour vous dire que le sectarisme tue la personne. Sa science ne lui sert plus à rien. Il ne voit qu'au nom du sectarisme. Il ne voit qu'au nom des Ikhwan. Sa science, elle est au service des Ikhwan. Wal'iyadhu billah. C'est dangereux. C'est Issam al-Bashir. Issam al-Bashir, plus tard, il sera le ministre des Affaires religieuses du Soudan. C'est un Soudanais, diplômé de Riyad. Et dans son allocution, il dit que l'imam al-Mujaddid al-Shahid Hassan al-Banna, a'oudhu billah, a'oudhu billah. Qu'est-ce qu'il a réformé? Allahu musta'an. Si ce n'est qu'il a ramené que du mal à la communauté. Jusqu'à maintenant, on en subit les conséquences. Et lorsqu'il a terminé, il passe, je l'arrête, je lui demande. Je lui dis, on pourrait dire que l'Albani est un mujaddid. À ce moment-là, l'Albani est toujours vivant. Rahimahullah. Il me dit, non, il a commis beaucoup d'erreurs. C'est étonnant. Il dit, Allah musta'an. Il ose dire que Hassan al-Banna, c'est un mujaddid. Et lorsque je lui parle de l'Albani, il dit non, parce qu'il a des erreurs. Allahu musta'an. Et ce que eux considèrent comme des erreurs, faut pas leur demander. Hein. Ça me rappelle Hassan al-Qusayn. Vous connaissez Hassan al-Qusayn? Un égaré égareur. Un docteur en histoire contemporaine. Il aurait dû rester dans son domaine. Il laissait la religion tranquille. Comme Tariq Ramadan. Il a un doctorat en philosophie. On comprend d'où elle vient sa perdition. D'accord? La philosophie, elle te fait. C'est normal. Elle te fait poser des questions là où il n'y a pas à se poser de questions. Allahu musta'an. C'est normal. Hein? C'est Allahu musta'an. Et comme a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, les plus ignorants dans le domaine divin, ce sont les philosophes. Il aurait dû rester dans son domaine. Va à la fac, enseigne ce que tu veux, laisse la religion tranquille. Il y a des ulémas pour parler dans la religion. Subhanallah. Respectez. Chacun son domaine. Et Hada Hassan Hussein, il parle d'établir. Ça date, hein, peut-être il y a presque une vingtaine d'années de ça, ou un peu moins. Et il dit, ils sont gentils, ils sont bien. Ce n'est pas les mots exacts, mais le contenu. Loin de moi d'apprendre par cœur leurs paroles. Et il dit, mais ils ont un problème. Donc, tu t'attends qu'il va dire, ils ont des innovations. Non, c'est leur tenue vestimentaire. Parce qu'à l'ancienne, l'établi était connu pour mettre le qamis. Même si souvent, ils mettaient le qamis pakistanais. Mais ils mettaient le qamis. Et le port de la barbe. Et le turban. Bien que leur manière de mettre le turban est une manière qui n'est pas assez claire. Mais lui, comment il appelle ça? Il appelle la robe le qamis. Et le 33 tours, pour parler du turban. Il dit, j'étais avec eux, moi aussi, à mes débuts. Donc, comme eux, j'avais la robe, le 33 tours. Et lorsque je me suis retrouvé ainsi, tous mes copains m'ont quitté. Je me suis posé des questions. Comment les faire revenir? Je me suis débarrassé de la robe du 33 tours. J'ai remis mon jean et mes baskets. Et là, mes copains sont revenus à moi. Avec la tonalité, sont revenus à moi. Et les gens sont, ah, mashallah, subhanallah. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Non, mais là, ça, c'était des atrocités que les gens ne voyaient pas. Maintenant, vous avez entendu les paroles qu'il dit. Il n'a pas besoin des gens qui viennent prier. Hein. Si vous ne ramenez pas d'argent, ce n'est pas la peine de venir prier. Hein. Il a dit, on n'a pas besoin des gens qui viennent nous polluer. Nous salir les tapis de prière 5 fois par jour. On préfère quelqu'un qui ne prie pas, qui ne vient pas à la mosquée, mais qui donne de l'argent. A'oudhu billah. A'oudhu billah. A'oudhu billah. Il a dit quoi encore? Il faut voter. Car ne pas voter, c'est haram. Depuis quand le vote est obligatoire pour dire de ne pas voter, c'est haram? Allahu musta'an. C'est Tariq Ramadan, il dit, des fois on me dit, tu ramènes pas des arguments quand tu parles. Mais je peux parler. sans ramener un verset ni un hadith, et tout mon discours est musulman, il est islamique. Comme ça, tranquille, vous ne me posez plus de questions. Wallahul musta'an. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Tu vois des gens répéter les paroles de leurs leaders, de leurs imams, et pour eux c'est quelque chose. Et toi quand tu parles, ils te disent, le pauvre, il connaît un hadith ou deux hadiths, et il vient parler. Subhanallah, c'est ça la valeur du hadith. C'est ça l'amour que tu as du hadith. Un hadith, il y a quoi comme parole parmi vous qui égale ce hadith? Ton leader, tout ce qu'il dit, ça égale le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billah. Il connaît un verset ou deux versets, il parle. Mais toi, tu connais quoi? T'en connais un verset, réellement? Tu connais le verset, le réciter comme il le faut? Et tu connais le sens véritable du verset? Subhanallah. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ça fait peur, hein? Ne soyez pas étonnés du résultat de la communauté lorsque vous voyez ses agissements. Ne croyez pas qu'Allah est insouciant de ce qui se passe. Rien n'échappe à Allah tabaraka wa ta'ala. Après ils disent on veut l'islam. Mais comme a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhallah, une belle parole. Ça c'est l'ulama de la sunna. Il a dit, les gens disent on veut l'islam. Première question qu'on leur pose, de quel islam vous parlez? Alors, on a passé le stade, hein. On voit une étiquette, on y croyait. C'est fini. De quel islam? L'islam du prophète? Ou ce que vous, vous appelez islam et qui n'est pas l'islam? Il faut la bonne question qui se pose. C'est bien beau de dire on veut l'islam. Et lorsqu'on leur parle d'islam, il n'y a plus rien. Subhanallah. Mohamed Hassan, l'Égyptien, un sectaire, égaré, égareur. Mohamed Hassan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un jour, il était professeur en Arabie. Et que dans son cours, il a cité Sayyid Qutb. Un élève lui a dit, Cheikh, il ne faut pas s'argumenter avec Sayyid Qutb. C'est pas bon. Et il lui a demandé d'un ton, en vérité, pour l'humilier. C'est connu. C'est pour ça que les ennemis de la sunna, quand ils peuvent vous humilier, ils le feront. Ils le font exprès. Pour eux, ils en rigolent. C'est un amusement. Toi, tu es sérieux, eux, ils s'amusent. A'oudhu billah. Voilà la place de la religion. Ils ont été plus loin. Lorsqu'ils ont dit le tawhid, c'est une affaire de 10 minutes. N'est-ce pas? En 10 minutes, c'est réglé. Mais la politique, c'est toute ta vie. A'oudhu billah. A'oudhu billah. Yani, subhanallah. Yani, ce pourquoi Allah il nous a créé, qui te prend toute ta vie, ils ont dit c'est une affaire de 10 minutes. Mais demandez à un converti. Est-ce qu'il a déjà entendu parler du tawhid? Un converti qui n'a pas côtoyé des gens de la sunna, des gens qui suivent la salafia, véritablement. Demandez-lui, jamais. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On m'a dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Déjà, la traduction, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. D'accord? Et que Mohammed est le prophète d'Allah. Ça veut dire quoi, la ilaha illallah? On ne me l'a jamais expliqué. Ça veut dire quoi, Mohammed Rasulullah? On ne me l'a jamais expliqué. Et directement, la salat. Il ne sait rien, la salat. Et on lui parle de je ne sais quoi. On l'occupe. Et chacun, selon la question qui les occupe, ils vont l'occuper avec. Une fois, on a fait un cours sur le tawhid, un converti est venu. Il m'a dit, c'est la première fois que j'entends parler tawhid comme ça. Tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit, moi, les gens qui m'ont fait convertir? Je lui ai dit, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Il m'a dit, ils m'ont fait faire la shahada juste après, ils m'ont parlé de la Palestine. C'est étonnant, subhanallah. C'est étonnant. L'ignorance et l'éloignement de la sunna où est-ce qu'il mène. Wallahul musta'an. Donc, hada Mohamed Hassan qui disait quoi? Il lui a dit, et c'est quoi les problèmes de cette Qutb? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il reprochait à cette Qutb? Il lui a dit, il ne savait pas le jeune quoi dire. La seule chose qui lui est revenue à l'esprit, il lui a dit quoi? Il se rasait la barbe. Et c'est vrai, c'est connu, vous avez déjà vu la photo de cette Qutb, il n'a pas de barbe. Et ce n'est pas le seul dans ce côté-là. Allahul Musta'an, il se rasait la barbe. Il lui a dit, écoutez bien ce qu'il lui a dit. Le ressenti, en arabe, on dit ash-shu'ur. Et de même, ash-shu'ur, c'est les poils. Subhanallah. Il a fait un jeu de mots. Hein? Subhanallah. Et il lui a dit, nous avons plus besoin de personnes qui ont des ressentis pour l'islam et pour la communauté, hein, que de personnes qui ont des poils. Et donc, Allahul Musta'an, voilà. Allahul Musta'an. طيب فهو احد المجددين بحق اذ كان الشيخ رحمه الله من فحول علماء السنه الناصرين لها et le cheikh al-Albani alayhi rahmatullah faisait partie des grands savants de la sunna qui défendaient et secouraient la sunna al-muttabi'in laha et qui la suivaient المميزين لصحيحها من سقيمها parmi ceux qui distinguaient ce qui était bon dans ces hadiths de ce qui ne l'était pas الرافعين للوائها parmi ceux qui ont élevé son étendard فكان نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui connaît la réalité de chacun mais non juge de ce qui nous apparaît des gens comme Allah a dit dans le sens du verset dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si vraiment vous aimez Allah alors suivez-moi Allah vous aimera. Et ce verset fait allusion aux juifs de Médine. À Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'émigration, il trouve devant lui donc les Médinois, les Arabes Médinois, qui étaient composés de deux tribus, Al-Aws ou Al-Khazraj, d'accord, qui seront les Ansar. Et il y avait trois tribus juives. Trois tribus juives. Qui étaient Banu Qurayza, Banu Qaynuqa, wa Banu Nadir. C'est le nom des trois tribus juives. Et chaque tribu avait une forteresse. Dont il y avait les maisons de leur famille à l'intérieur. Et la nuit, ils fermaient la grande porte de la forteresse pour que personne ne s'introduise à l'intérieur. La forteresse, la citadelle, on l'appelle en arabe Al-Hisn. Et le pluriel c'est Husun. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit concernant les juifs de Médine, comme quoi ils pensaient que leur citadelle allait les protéger. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Fa'atahum Allah min haythu lam yahtasibu. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Ça, c'est dans le verset coranique. Al-Husun, c'était leur citadelle. Et plus tard, vu les agissements, la trahison qu'ils commettront, ils seront condamnés et ils seront éloignés et exilés de la ville de Médine, qui en sera nettoyée. Et ces tribus juives, il est dit historiquement, Wallahu A'lam, comment se fait-il qu'ils soient à Médine? Ce sont les descendants de familles juives qui viennent du Yémen. Qui viennent du Yémen. Bien avant la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans leur livre sacré, il y est écrit la venue du dernier prophète. Ceci dans la Torah et ceci dans l'Évangile. La Torah, elle a été révélée à Moussa alayhi salam, Moïse alayhi salam. Et l'Évangile, à Isa, Jésus alayhi salam, car Jésus n'a pas reçu la Bible, il a reçu l'Évangile, l'Injil. La Bible, c'est un recueil dans lequel il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a la Torah, il y a les Évangiles, parce que tous les apôtres, chacun est ce qui s'est rappelé comme texte sacré. Donc c'est pour ça qu'on dit l'Évangile selon Luc. L'évangile selon Jean, l'évangile selon Thomas, l'évangile selon Barnabé, ainsi de suite. Donc, c'est des différentes versions, variantes de l'évangile. Sinon, ce qui a été révélé à Isa alayhi salam, c'est l'Injil, l'évangile. Et le terme Bible vient du grec. D'accord ? Et c'est pour cela que l'endroit où on rassemble les livres, on appelle ça une bibliothèque. On appelle ça une bibliothèque. D'accord ? Et donc, ils ont le livre. Et on dit Ahlul Kitab, les gens du livre. Tayyib. Et donc, ils ont dans leurs écrits la venue du dernier prophète, le prophète de la fin des temps, le sceau des prophètes, et même la description de la ville vers laquelle il va immigrer. Subhanallah. Ils avaient la description. Et ils avaient même la description de ses compagnons. Subhanallah. Les compagnons sont cités dans la Torah et dans l'évangile. Les compagnons du prophète Mohammed, les sahaba, radiallahu anhu. Et donc, ils ont quitté le Yémen et ils ont traversé l'Arabie jusqu'à arriver à cet endroit qui portait le nom de Yathrib. C'est l'ancien nom de Médine. Avant, elle s'appelait Yathrib. Et lorsqu'ils ont vu les palmeraies, les montagnes alentours, la vallée, ils ont dit, ça ressemble à la description de la ville dans laquelle il va émigrer. Subhanallah. Et ils se sont installés là. Et de père en fils, ils se passaient le message. Ils attendent le dernier prophète. Et lorsque le dernier prophète est arrivé, par jalousie, parce qu'il n'était pas parmi eux, pas un des leurs, ils l'ont combattu et ils l'ont rejeté. Alors que c'était écrit dans leur livre. Et ils savaient que c'était vraiment lui le prophète. Parmi eux, des rabbins, des grands savants de chez eux, ils le reconnaissaient plus encore que leurs propres enfants. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ. Ceux à qui on a donné le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي إِسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Et Isa, Jésus, fils de Marie, alayhi salam, a dit ô enfants d'Israël, c'est-à-dire ô enfants de Jacob. Israël, c'est un des noms de Yaqub. Les enfants d'Israël, parce qu'ils descendent des 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus descendent des 12 fils de Yaqub, alayhi salam. Donc tous les Hébreux qui sont affiliés aux 12 tribus, les 12 tribus, leurs ancêtres, ce sont les 12 fils de Jacob. Jacob, c'est leur ancêtre. Donc c'est tous les enfants de Jacob. On les appelle Banu Israël. Et donc, Isa alayhi salam en fait partie, c'est un Hébreu. Et Isa alayhi salam a été envoyé vers le peuple des Hébreux, vers les enfants d'Israël. Le seul message universel, le seul message pour tous les hommes et pour tous les djinns, c'est le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une des caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète était envoyé spécifiquement à son peuple seulement. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sceau et le dernier des prophètes. Et son message, il est universel. أعطيت ستا لم يعطهن أحد قبلي نبي قبلي ومنها وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. Il m'a été donné six choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ils n'ont pas été donnés à un prophète avant moi. Chaque prophète était envoyé spécialement à son peuple et moi j'étais envoyé vers tous les gens. Et Allah tabarak wa ta'ala dans le Coran, قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dis, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah vers vous tous. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde vers les mondes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous t'avons envoyé vers tous les gens, vers tous les hommes, comme annonciateur et avertisseur. طيب. إذ كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. Il avait un suivi très fort pour le prophète صلى الله عليه وسلم. بل كان شديد الفرح بكل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. Il avait même une très grande joie lorsqu'il voyait une personne suivre les traces du prophète عليه الصلاة والسلام. كان لا يقدم قول أحد كائنا من كان على كتاب الله عز وجل. Jamais il ne faisait devancer la parole de quiconque, quelle que soit cette personne, devant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou à la sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou devant la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma'a audatin bil kitab wa sunnah ila fahmi salaf salih, avec un retour aux sources, au livre d'Allah et à la sunnah de son prophète alayhi salatu wa salam, selon et avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Wa kana hadha al qaid ahad rakaiz da'watihi al mubarakah. Et cette précision, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, était un des grands piliers de son prêche béni. On va s'arrêter là, inshallah. Wa subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.